cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Dixième et dernier épisode. C'est la première fois que je viens ici. À Roissy? Au Starbucks. C'est la première fois. Mais Émilie, vous avez grossi? Un peu, non? Pourquoi vous ne dites rien? Nous attendons un enfant. Voilà. Ouh là là. Je vous connais à peine, Émilie. Et lui, là. Lui, c'est moi? C'est ça. Lui, c'est toi. Comment ça s'appelle, ton truc, là? Macchiato, maman. Combien de mois? 5. Ah. Quoi, ah? Bah, pour la trisomie. Vous savez, alors. Oui, et c'est non. Ouf. Voilà. Le vol CDNR numéro 3108, en provenance de Damas, arrivé initialement prévu à 22h40, pour l'atterrir, porte Tu crois qu'on va le reconnaître? Peut-être qu'il s'est beaucoup transformé pour pas qu'on le reconnaisse, justement. Enfin, eux, pas nous. Pas nous? Mais tu te souviens de la blague de Charles de Margerie? Ah, mais si, je me souviens plus bien, mais à la fin, quelqu'un criait « Pas nous, pas nous !» C'était drôle, mais je sais même plus pourquoi. Et si? Et si quoi? C'est lui! Maman, tu vois bien que c'est pas lui. Ce type que tu montes du doigt, eh ben, il mesure 1m50. Et d'ailleurs, c'est pas un type, c'est un enfant. C'est atroce, je ne vois plus rien. Je ne vais jamais pouvoir rentrer seule en voiture à la maison. Et sinon, c'est une fille. Il n'est pas là. Il n'a pas dû pouvoir passer la douane. Ils ont dû l'arrêter. Mon frère, mon grand frère. Je vais au poste de police de l'aéroport. Vous m'attendez là toutes les deux. Ah non. C'est lui? Non, c'est Paul. Oui, poulet? Non, il n'est pas là. Je sais pas. Grand-mère est là. Oui, à l'aéroport. Bon, écoute, tu es un grand garçon. Tu lui demanderas. Bisous, bisous. Hein. Il voulait me demander quoi, mon doudou? Je sais pas. Une histoire de week-end avec toi et ses copains, mais vous verrez ça ensemble, non? Oui, mon chéri. Eh ben, il y a du retour en grâce. Il était temps, hein? Bonjour, je suis Martine Carole, gendarmerie nationale. Vous êtes bien les parents de monsieur Christian Marie Bell? Non. Oui. Nous avons intercepté monsieur Bell à sa descente d'avion pour des raisons que vous pouvez imaginer et que je n'ai pas le droit de vous révéler si vous n'imaginez pas. Nous n'imaginons pas. Rassurez-vous, il n'a tué personne. Bref, nous l'avons conduit directement au palais de justice afin qu'un juge d'instruction puisse l'entendre. Mais c'est horrible! Il va aller en prison? Je ne sais pas, madame. Sincèrement, je ne sais pas. Et nous, donc, on peut y aller, hein? Oui, il faut juste que vous me signiez ce document qui atteste que cette discussion a bien eu lieu. Ouais. Et que vous êtes donc au courant de la mise en examen de votre quoi, d'ailleurs? Oncle et frère. Et mythe, pour moi. Signez-la, maman. Voilà. C'est votre premier? Oui. C'est une fille. Vous l'avez dit à cette dame? Et pas à moi. Mais non, voyons, enfin, comment vous savez? Je sais pas, enfin, si votre ventre ne pointe pas vers l'avant, enfin, je veux dire, et puis vous avez comme des Oui, des petits bourrelets sur le côté. Pff, t'es con. Sinon, vous voulez transmettre un message à votre oncle? Vous pouvez lui donner cette enveloppe? Bien sûr, sauf si c'est de la drogue ou une arme. Je plaisante. Ah, c'est de l'argent. Enfin, dites-lui que je n'ai pu réunir que ça et que je suis désolé. Je lui dirai. Et ne vous inquiétez pas trop pour lui. Salut Paul. Salut Émilie. Salut Inès. Qu'est-ce que tu fais là, Inès? Non, pardon de te poser cette question, mais... Paul, il est où ton père? Vous êtes trop belle enceinte. Non, j'ai pas dormi là. Je suis juste passée comme ça, dire bonjour, quoi. Je suis arrivée, vous n'étiez pas là, et le père de Paul prend sa douche, je crois. Ah, je préfère, je nous ai pris des croissants. De chez Mulot? Ouais. Oh, ça se voit trop ton ventre maintenant, Émilie. Donc, je vais avoir une sœur. Eh oui. Merci. Oh, merci. Chérie, tu peux m'apporter une serviette propre et un caleçon? Mmh. Inès. Excuse-moi, je suis quasi à poil, je reviens. Chérie, au secours! Bonjour, monsieur. C'est moi qui m'excuse d'être passée à l'improviste. Et vous avez une serviette autour de la taille. Ça va, ne vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Ah bon? Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, la famille de Maboul. On va chez toi, Inès? Papa, je peux aller chez Inès? Ses parents ont des habits, eux. Paul m'a tout raconté pour votre oncle. Je suis désolée qu'on l'ait arrêté. Et moi donc? Bon, c'est mieux comme ça. Et puis, j'ai pu lui rendre une partie de l'argent. Ouh. On décroche pas, on décroche pas. Sur le fixe, c'est pour les fenêtres ou les huissiers. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. C'est moi, Christian. Salut. En fait, j'ai dû changer ma date d'arrivée. Quelqu'un m'a fait savoir qu'on m'attendait à Paris. Alors, à Abu Dhabi, j'ai changé d'avion et j'ai envoyé un type que je connais, qui me ressemble, se faire cueillir à Paris avec des faux papiers d'identité à mon nom. Et il risque pas grand-chose, à part de se faire renvoyer chez lui une fois la supercherie démasquée. Bref, je repasse par Damas et je te fais signe pour la prochaine fois. Je t'embrasse. J'ai essayé sur ton portable, mais la ligne est coupée. À bientôt. Et j'appelle ta mère pour la rassurer. Eh ben, dis donc... C'est con pour l'argent. Ouais. Dis-moi que t'as donné une enveloppe vide. Non. Oh putain. Paul, pas putain. Vous allez l'appeler comment, ma sœur? Gabriel. Gabriel. Alors va pour Gabriel. On déjeune quoi ce midi? Je sais pas, mon chéri. Je sais pas encore. On verra. Mythographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. 10e et dernier épisode. Avec Christine Gagneux, Guillaume de Tonquédec, Laure Calamy, Andrea Brusque, Pauline Ziadé, Thomas Sagols, Éric Herson-Macarel et les voix de Mustapha Abourachid, Lise Bilien, Fatima Aïdbou, Nelly Morgenstern, Mahmoud Saïd et Thomas Ducasse. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff.